Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génésot. Autre règle, qui traite plus à fond la même matière du discernement des esprits, elles conviennent surtout à la seconde semaine. Note. Elles conviennent surtout. Ordinairement, non exclusivement et toujours. Ceci dépend moins de la semaine des exercices où l'on se trouve, que des dispositions habituelles de l'âme, comme nous l'avons indiqué au commencement des règles précédentes. Fin de la note. Première règle, c'est le propre de Dieu et de ses anges, lorsqu'ils agissent dans une âme, d'en bannir le trouble et la tristesse que l'ennemi s'efforce d'y introduire et d'y répandre la véritable allégresse et la vraie joie spirituelle. Au contraire, c'est le propre de l'ennemi de combattre cette joie et cette consolation intérieure par des raisons apparentes, des subtilités et de continuelles illusions. Note. De combattre cette joie. La joie spirituelle étant une des dispositions les plus avantageuses au progrès de l'âme, il n'est pas étonnant que le démon mette tout en œuvre pour la combattre et pour faire naître le trouble dans l'âme qui s'est donnée à Dieu généreusement et sans retour. Il est notre ennemi, s'il prévoit qu'il ne sera pas facile de nous faire consentir au mal, il essayera du moins de mettre des obstacles à notre avancement spirituel. Il s'efforcera de nous importuner et de nous lasser dans notre voie. Il espère par là empêcher d'abord un plus grand bien, jusqu'à ce qu'ayant lassé notre patience, il nous fasse tomber dans le découragement, et enfin dans le péché. On voit qu'il s'agit ici d'une âme telle que la dépeint Saint Ignace dans la seconde des dernières règles de discernement des esprits. Fin de la note. Deuxième règle. Il appartient à Dieu seul de donner de la consolation à l'âme sans cause précédente, parce qu'il n'appartient qu'au Créateur d'entrer dans l'âme, d'en sortir, et d'y exciter des mouvements intérieurs qui l'attirent tout entière à l'amour de sa divine majesté. Je dis sans cause, c'est-à-dire sans aucun sentiment précédent ou connaissance préalable d'aucun objet qui ait pu faire naître cette consolation au moyen des actes de l'entendement et de la volonté. Note. D'entrer, de sortir. L'âme pieuse est une demeure dont Dieu est le maître. Il y entre, il en sort quand il lui plaît, c'est un bien qui est à lui. Cette comparaison est répétée dans la septième des règles présentes. Note. Au moyen des actes de l'entendement et de la volonté. Pour que l'âme soit consolée, ses puissances, l'entendement et surtout la volonté, ont nécessairement besoin d'un objet, mais il n'est pas nécessaire que cet objet soit tellement connu et compris. Que la consolation ait pu naître dans l'âme par les actes ordinaires de l'entendement et de la volonté. Dans l'ancienne version manuscrite on indique les citations suivantes de la somme théologique. 1, 2 Q9 article 6 et Q10 article 4. Le docteur Angélique Saint-Thomas d'Aquin traite dans 16 endroits du mouvement de la volonté sous l'action divine. Fin de la note. Troisième règle, lorsqu'une cause a précédé la consolation, le bon et le mauvais ange peuvent également en être l'auteur, mais leur fin est bien différente. Le bon ange a toujours en vue le profit de l'âme qu'il désire voir croître en grâce et monter de vertu en vertu. Le mauvais ange, au contraire, veut toujours arrêter ses progrès dans le bien pour l'attirer enfin à ses intentions coupables et perverses. Note. Croître en grâce et monter de vertu en vertu, textuellement, afin qu'elle croisse et monte de bien en mieux. Saint Ignace suppose ici que la personne qui reçoit la consolation est actuellement dans un bon état, et, par conséquent, le bon esprit lui donne cette consolation afin qu'elle avance dans la vertu, le mauvais au contraire, afin de la porter à un moindre bien, ou même au mal. Fin de la note. Quatrième règle. C'est le propre de l'ange mauvais, lorsqu'il se transforme en ange de lumière, d'entrer d'abord dans les sentiments de l'âme pieuse, et de finir par lui inspirer les siens propres. Ainsi, il commence par suggérer à cette âme des pensées bonnes et saintes, conformes à ses dispositions vertueuses, mais bientôt, peu à peu, il tâche de l'attirer dans ses pièges secrets et de la faire consentir à ses coupables desseins. Note. Cette quatrième règle est de plus haute importance, ainsi que la cinquième, pour nous préserver de toute séduction sous l'apparence du bien, et de l'éloignement de la véritable vertu. Car il est impossible que nous nous portions à une vertu quelconque avec une certaine ardeur, sans que le démon qui s'en aperçoit ne s'efforce, soit en nous faisant tomber dans l'excès de cette même vertu, soit par d'autres artifices, d'exciter le trouble dans notre âme, de couvrir d'obstacles notre chemin, et de tout employer pour nous perdre. Combien de personnes ont été perdues en effet, et se perdent tous les jours, par un zèle indiscret, une dévotion mal entendue. Au moins, de combien de personnes ces vertus pratiquées sans la prudence nécessaire n'ont-elles pas arrêté, et n'arrêtent-elles pas chaque jour le progrès? L'ennemi les a séduites. Mais l'homme, vraiment humble, et surtout l'homme, vraiment obéissant, est à l'abri de ces séductions, car les efforts extérieurs de l'esprit mauvais sont impuissants, tant que l'amour-propre, cet ennemi domestique, ne s'unit pas à lui pour conspirer notre ruine. Fin de la note. Cinquième règle. Nous devons examiner avec grand soin la suite et la marche de nos pensées. Si le commencement, le milieu et la fin, tout en est les bons et tendant purement au bien, c'est une preuve qu'elles viennent du bon ange, mais si, dans la suite des pensées qui nous sont suggérées, il finit par s'y rencontrer quelque chose de mauvais ou de dissipant, ou de moins bon que ce que nous nous étions proposés de faire, ou si ces pensées affaiblissent notre âme, l'inquiètent, la troublent, en lui ôtant la paix, la tranquillité et le repos dont elle jouissait d'abord, c'est une marque évidente qu'elle procède du mauvais esprit, ennemi de notre avancement et de notre salut éternel. Note. Tout en est les bons. Textuellement, est tout bon, tendant à tout bien. Il faut que tout ce qu'un examen sérieux aura découvert dans le commencement, le milieu et la fin, c'est-à-dire dans l'origine, le progrès et le terme de nos pensées, soit bon, et ne tente qu'au bien, deux conditions tout à fait distinctes et que la suite nous fera mieux comprendre par le contraire. Remarquez surtout cette preuve que l'on nous donne de la présence du mauvais esprit, si ces pensées jettent le trouble et l'inquiétude dans l'âme. Elles ont toute l'apparence du bien, cela est possible, cependant, que cette inquiétude et ce trouble vous les rendent pour le moins suspectes. Note. Et de notre salut éternel. Négliger de se mettre en garde contre les illusions du démon, ce n'est pas seulement s'exposer à ne point arriver à la perfection, c'est encore exposer son salut. Fin de la note. Sixième règle. Quand l'ennemi de la nature humaine aura été découvert et reconnu à sa queue de serpent, c'est-à-dire par la fin pernicieuse à laquelle il nous porte, il sera utile à la personne qui aura été tentée de reprendre aussitôt la suite des bonnes pensées qu'il lui a suggérées, d'en examiner le principe, et de voir comment, peu à peu, il a tâché de la faire déchoir de la suavité et de la joie spirituelle dans laquelle elle était, jusqu'à l'amener à sa fin dépravée. L'expérience qu'elle acquiera par cette recherche et cette observation lui fournira les moyens de se mettre en garde dans la suite contre les artifices ordinaires de l'ennemi. Septième règle. Le bon ange accoutume de toucher doucement, Légèrement et suavement l'âme de ceux qui font chaque jour des progrès dans la vertu, c'est, pour ainsi dire, une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Le mauvais ange, au contraire, la touche durement, avec bruit et agitation, comme l'eau qui tombe sur la pierre. Quant à ceux qui vont de mal en pis, les mêmes esprits agissent sur eux d'une manière tout opposée. La cause de cette diversité est dans la disposition même de l'âme, qui est contraire ou semblable à la leur. Si elle est contraire, ils entrent avec bruit et commotion, on sent facilement leur présence. Si elle est semblable, ils entrent paisiblement et en silence, comme dans une maison qui leur appartient et dont la porte leur est ouverte. Huitième règle. Lorsque la consolation spirituelle est sans cause qui l'ait précédée, il est certain qu'elle est à l'abri de toute illusion, puisque, comme nous l'avons dit dans la seconde de ces règles, elle ne peut venir que de Dieu, notre Seigneur. Cependant, la personne qui reçoit cette consolation doit apporter beaucoup d'attention et de vigilance à distinguer le temps même de la consolation du temps qui la suit immédiatement. Dans ce second temps, où l'âme est encore toute fervente, et comme pénétrée des restes précieux de la consolation passée, elle forme de son propre raisonnement, par une suite de ses habitudes naturelles et en conséquence de ses conceptions et de ses jugements, sous l'inspiration du bon ou du mauvais esprit, des résolutions et des décisions qu'elle n'a pas reçues immédiatement de Dieu, notre Seigneur, et que, par conséquent, il est nécessaire de bien examiner avant de leur accorder une entière créance et de les mettre à exécution. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org, Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.